J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Il tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perlent sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid. Donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais. Mmh.